Je suis seul, seul au centre-ville. Oh oh oh, je croise du monde à Thionville. Mais je préfère écrire mes albums. Oh oh oh, alors je rentre à Manon. Et j'attends l'amour. Oui, j'attends mon tour. Quand tu grandiras, toi tu m'aimeras. Et même quand je suis entouré, oh oh oh, après un week-end à chanter avec tous mes meilleurs amis, oh oh oh, je reviens seul dès lundi. Et j'attends l'amour, oui j'attends mon tour. Quand tu grandiras, toi tu m'aimeras. Quand je vois ces taches de caca, oh oh oh, dans mon slip, j'ai honte de moi. Alors je frotte, elles ne partent plus, je pleure, oh oh, tout comme mes blessures au cœur. Et j'attends l'amour, oui j'attends mon tour. Quand tu grandiras, toi tu m'aimeras. Et j'attends l'amour, j'attends mon tour. Quand tu grandiras, toi.